suffocation in some stupid little town. A black killer. Salut à toutes et toutes, la tribu, bienvenue dans la 150e Bumper Fake chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'être encore là cette semaine et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission un peu partout sur la planète. C'est cool, bienvenue. On commencera tout de suite avec We Have Some de Frustration, c'est sur l'album Relax, sorti le 4 février 2008. On retrouve Relax, No Trouble et Too Many Questions and Got No Answer, un classique de New Wave des années 2000. On écoutera en Stigmata de Drakkar. C'est sur l'album Diabolical Empathy, sorti le 29 septembre 2017. On retrouve The Witches Dance, Evil Below et West Alice. Un magnifique album des vétérans du Metal Speed, même du Speed Metal. Ils sont sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Feel Alright, le nouveau Raccoons. C'est sur l'album Watch de Raccoons, leur premier EP sorti en 2018. On retrouve Care About It, And I Say et Coming Along. Et ils sont sur le label Greenpeace Records. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera ensuite en vinyle avec The L Song de Sums 41. On les retrouve sur l'album Does This Look Infected, leur troisième album sorti le 26 novembre 2002. On retrouve My Direction, Still Waiting et No Brain. Ils préparent un nouvel album, des nouvelles très vite, et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Et on finira ce bloc en live avec Mr. Brown de Gregory Isaac. C'est sur l'album Cool Ruler, sorti le 15 juin 1978. On retrouve Native Woman, Party in the Slum, and One More Time, du son cul. Waste searching for the one, the one that I feel again, that I feel again. We're all searching for the one. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. To you, it's just a matter how you solve them. is the same thing to you. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? Vous êtes bien dans la 150e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter We Have Some de Frustration, Stigmata de Drakkar, Feel Alright de nouveau Raccoons. L'album il va sortir bientôt les Raccoons, bientôt. On a eu ensuite de Hell Song de Sum 41 en vinyle et on a fini ce bloc en live avec Mr. Brown de Gregory Isaac. On continuera cette émission avec Stop by a Bullet of Love de UFO. C'est sur l'album Walk on Waters, leur 14e album sorti le 14 avril 1995. On retrouve Self-Made Man, Darker Days, et Doctor Doctor. On écoutera ensuite The Blood de The Cure. C'est sur l'album The Head on the Door, leur 6e album sorti le 26 août 1985. On retrouve In Between Days, Six Different Ways et Close to Me, un classique. Et ils sont en train de travailler sur un nouvel album. J'aimerais bien voir ce que ça donne. On écoutera ensuite une nouveauté. Bon, c'est pas tout à fait une nouveauté, puisque ça s'appelle Societies Reject des Sob Girl. C'est sur l'album Societies Reject, sorti le 24 mai 2017. C'est une nouveauté dans l'émission. C'est leur manager qui m'a contacté la semaine dernière et qui m'a demandé de les diffuser, tout simplement. Et donc, qui m'enverra le nouveau single du nouvel album qui sortira au printemps. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un petit like au passage, ça fait pas de mal. Et on écoutera ensuite Reggae Is My Thing de Alton Ellis. C'est sur l'album Live Working of the Groovy Thing, pardon, sorti en 2003. On retrouve Girl I've Got a Date, Ain't No Doubt Loving You et I'm Just a Guy. À la base, c'est un album de 1993, c'est une réédition, c'est un classique. Et on finira ce bloc en live avec Rock'n'Roll Secours de Vulcain. C'est aussi le titre de cet album sorti en 1984. On retrouve Ebony, les Damnés et les Fils de Lucifer. Du hard français au top! We'll be right back. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Hey! merci, bon apéro et bonne soirée. Live, qu'est-ce que c'est bon. Vous êtes toujours dans la 150e Bumper Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Stop by the Bullet of Love de UFO. On a eu The Blood de The Cure. On a eu Society's Reject de Sob Girl. Un petit like sur la page des Sob Girls, s'il vous plaît. On a eu ensuite Reggae Is My Thing de Alton Ellis. Et on a fini ce bloc en live avec Rock'n'Roll Secours de Vulcain. On continuera cette émission avec Asymétrique, featuring Raph Penner de Helios, c'est une exclusivité. C'est l'album Reconnexion qui est sorti le 27 septembre 2018. On retrouve Psychosis, De Tout Là-Haut, La Veuve Noire, un excellent album d'un excellent metal, groupe de metal progressif français, du très bon son maison. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Psychedelic Vision de Cypress Hill. C'est sur l'album Stoned Reds, c'est leur sixième album sorti le 4 décembre 2001. On retrouve Trouble, It's Not Easy et Memories. J'adore leur son fusion, un autre grand classique. On écoutera ensuite Children of Israel de Dennis Brown. C'est sur l'album Wolf and Leopard sorti en 1977. On retrouve Here I Come, Party Time et Lately Girl, encore du son culte. On écoutera une nouveauté, Milgrad Song de The Togs, c'est sur l'album original qui vient de sortir. On retrouve I Don't Believe in Love, Lipstick Traces et Who Should I. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en blues et en live avec Rocksteady de Bonnie Raitt, c'est sur l'album The Best of Bonnie Raitt, sorti le 12 mai 2003. On retrouve Things Called Love, Something to Talk About et I Can't Help You Now. D'autres morceaux à venir dans prochaines émissions. Bonds, liberté, égalité, fraternité. Effectivement, I bust a kid, slanging dope, popping shrooms and dropping lots of zip. Psychedelic visions would ensue my view. I feel in the altered states as they altered my fate. But I sorted through all that distorted shit, bought it up. I came short and couldn't afford to store it up. So I began to record it on audio. The autobiography of Luis Mario. Something that's unbelievable, inconceivable. To have the shit I set out to do was achievable. But alas, look at all the shit come to pass. Well, we remain strong, others broke like glass. Cause you lack style, and you need all the help, brother. Cause you're fragile, and it should say it on your cover. Just signed up for the celebrity who lacks intelligence, integrity, intensity. Oh, it's true, I got you in an angle like Kurt. But don't go getting your fucking feelings hurt. I spit many bars of heat that burn like a furnace. I pour rhymes out like coffee spilling out your thermos. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. You've known me and you've grown with me. And if I had a big enough pad, I'd take you all home with me. I don't walk around with bodyguards, that's not me. I'm hanging out with the people, that's my posse. A lot of enemies with bad intentions, spreading gossip like disease, creating lots of tension. People turn around when you become a star, it seems. But others hate you more cause you fulfilled all your dreams. They smile in your face and act like nothing's wrong. When you turn your back, they hate and play one of your songs. Why don't you take your mask off, look me in the eye. You afraid I might blast off and call you on your live. Take a deep one and peep, son. Retribution comes around more than once, like a rerun. You're a cheap one, the hill's so steep. Son, you're just another one who gets thrown in the heat. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. You know they smile in your face. You know they try to take space. I let you punks know you ain't safe. Cause you know you're just dead weight. But at the present day they're getting stalled out for some reason. But not from me, because it's punk hunting season. Charged with high treason, I'm easing the blow. Never the body that you're leasing ain't gonna roll forever. So think about that, is it worth the pain? When you flirt with pain, bitch it don't hurt your brain. But you're thick headed, numbskull and Rick said it. It was the moment you feared when my venom spread. I got my 9mm at my waist, papa. I got my shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. I got my 9mm at my waist, papa. I got the shotgun in the Escalade, papa. You feel froggy, then jump and get sprayed, papa. I don't wanna but you duck your own grave, papa. You know they smile in your face. You know they try to take space. I let you punks know you ain't safe. Or your enemies. not yet been told. Yeah, well, yeah. Come on, come on, now. Come on, come on, come on. Émission radio où Spike débarque dans votre salon. He came to settle down, find his family home. He fought against the fate, there's no way to escape. Looking for his aid, he never let down. Europe's online, he kept going on. Lord, won't you stand it for him, though our son was sent. Lord, won't you stand it for him, though our son was sent. Such a misery, could stand to stay in this country. Say, Lord, we're looking after, he's bound to find me shelter. Looking for his Eden, never let down. Praying every day to kick out the demons. Lord, won't you stand it for him, though that's someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though that someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though that someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though that's someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though that's someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though that's someone's hand. He begged for blessing about, cross across the sea. Then he saw the coast, thought he was ever free. Looking for his Eden, he never let down. Praying every day, cause he never learned to swim. Lord, won't you stand it for him, though that someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though that someone's hand. Lord, won't you stand it for him, though that someone's hand. Toujours à l'écoute de la 150e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Asymétrie featuring Raph Penner, de Helios en exclusivité. On a eu ensuite Psychedelic Vision de Cypress Hill. On a eu ensuite Children of Israel de Dennis Brown. On a eu la nouveauté Migrant Song de Detox. Et on a fini ce bloc en live avec Rocksteady de Bonnie Raitt. On continuera cette émission avec une exclue et je dis une nouveauté surtout. Ça s'appelle, c'est Black Holes. Le nom du groupe c'est Vis-à-vis. L'album c'est War Machine qui est sorti le 18 janvier 2018. On retrouve Ajak, Don't Turn Around. Around et So Special. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. 30 ans d'existence, c'est pas rien hein, vis-à-vis. On écoutera ensuite une autre nouveauté, After the Grave, le nouveau Dead in 1985. C'est sur l'album Hyperfréquentiel, enfin leur premier EP 6 titres, Hyperfréquentiel, sorti le 7 novembre 2018. On retrouve Good Day, After the Grave, L'Inconnu, Aquabon, Our Special Days et Ils Disent. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes numériques. Ils sont partout. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Flashball 2.0. C'est une nouveauté, c'est mais aussi une exclusivité de Mr. Alex Ja. C'est sur l'album Ather qui vient de sortir. On retrouve Spy, Psycho Brain, Antifa Politique, entre autres. Un excellent album. On le retrouve sur YouTube, Facebook, SoundCloud et toutes les plateformes numériques. D'ailleurs, le nouveau clip de Mr. Alex Ja, c'est Il y a un arbre et on le retrouve sur YouTube. Alors, on écoutera ensuite une autre nouveauté qui n'en est pas tout à fait une non plus. C'est One Shot de la Cafetera Aurora. C'est sur l'album One Shot, sorti le 31 mars 2017. Je viens juste de l'avoir. Et il n'est pas nouveau, mais c'est nouveau dans l'émission. On retrouve Burn, Sugar, Bohemia, featuring Amrek, qu'on retrouve avec Arnaud Futur, mais bon, ça c'est une autre histoire. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, et ils sont partout, la cafétéria, vraiment partout. Et on finira ce bloc en live, avec les clowns électriques de OTH. C'est sur l'album Le Live, sorti le 10 octobre 2011. On retrouve Cœur de Chien, Sauvagerie, le rap des Rapetous, un classique du punk français. flying above the clouds, across riding roads. All these blind people walk, walk along. Flying above the clouds, dreaming in the sky, across riding roads. And forget the lines, all these blind people watching their lives walk, walk alone, weak without aim. We dream and they forget. We enjoy and cry. We love and we hate. We will sleep every night until the light. Confident, I thinking about what else to come. Forgetting they live today, but not for the better. Judging where's their fate. Arrogant eyes, beloved heroes that will never be abide. We dream and they forget. We enjoy and cry. When I see millions of souls running after their wasted days, we dream and they forget. We enjoy and cry. We love and we hate. We will sleep every night. Ni tact assumé. marché. Débuté non contrarié. Au sommet apprécié. Seul but éborgné. Seul but éborgné. Tu m'as pas crevé. Tu m'as renforcé. Le Sénat a tranché. Cyrus s'enragé. Tu m'as renforcé. Tu m'as pas crevé. Le Sénat a tranché. Pacifiste arrêté. Cyrus impunité. Pacifiste arrêté. Tu m'as pas éborgné. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. I will. Nous sommes les clowns. Nous sommes les clowns. Nous sommes les clowns. Nous sommes des clowns électriques. Vous êtes des clowns domestiques. Vous riez de nous, rions de vous. Mais nous le crions plus fort que vous. Nous sommes des clowns électriques. Nous sommes des clowns électriques. Nous sommes des clowns électriques. Nous sommes des pantins désabusés. Les émotions sont mimétiques. Nous aimons bien être hypocrites. Nous sommes des gens trop sympathiques. Nous sommes des clowns. Nous sommes des clowns. Nous sommes des clowns. Tant que nous maîtriserons nos nerfs, vous ne pourrez pas nous enfermer. Nos victimes, nous les choisissons. Parmi les jeunes endoctrinés, pour qu'ils subissent l'électro-choc. Vous écoutez toujours la 150e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans ton salon. On vient de s'écouter Black Holes, le nouveau de Vis-à-vis, After the Graves, le nouveau Dead in 1985. On a eu ensuite Flashball, le nouveau et même l'exclusivité de Mr. Alex Ja. On a eu ensuite One Shot, le nouveau La Cafetera Aurora. Et on a fini ce bloc en live avec les clowns électriques de OTH. On continuera cette émission avec, en live avec We Love You de Coxparer. C'est sur l'album Live and Loud sorti en 1987. On retrouve Watch Your Back, I Got Your Number et White Shot. Rien à rajouter, des monstres. On écoutera ensuite Too Late, le nouveau de Loving Dead. C'est sur leur EP 4 titre Never Give Up sorti en 2017. On retrouve Never Give Up, Barbiturate, Too Late et China's Air. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté qui n'est pas une nouveauté non plus. C'est Taximan de Asobabilas. C'est l'album Taximan sorti en 2013. On retrouve Cercle de Feu, Brother Song et Debout. Ils m'ont aussi contacté la semaine dernière sur la page Facebook de l'émission. Merci à eux. Ils sont de Saint-Étienne et leur prochain album est annoncé pour le printemps et je dois le recevoir. On écoutera ensuite Chippy de Richard Gottener. C'est sur l'album La Planète des Singles, sorti le 1er septembre 1995. On retrouve Primitif, le Yuki, Femme à lunettes et le Sympa, c'est sympa. du bon son classique. Et on finira ce bloc en live avec un morceau que j'adore, c'est Curse of the Damned en live de Night Demon. C'est même une nouveauté parce qu'en fait c'est le live Darkness est sorti le 30 août 2018. On retrouve The Howling Man, Save Me Now et Life on the Run. Il y en aura d'autres, hein. Il n'y a pas que ce morceau-là, Curse of the Damned. Je l'aime beaucoup, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Allez, on est reparti. We don't care if you only love me. We'll be right back. jamais raqueté, je suis un taximan. Je fais à vous mes cotonnants. Place des cinq. Tout le monde est serré, coincé. Je trafique même du faillot. Mais les gendarmes me laissent passer. C'est bien négocié. Je reprends donc la route. Je me demande parfois ce que je fais là. J'ai pourtant un doctorat. Je suis un taximan. Je fais un bon mécotonon. Arrivé à 10 mètres tout près, oh. Les gendarmes vont déjà me raqueter. Je suis un taximan. Je fais un bon mécotonon. Aucun contrôle. Les routiers sont tous des corrompus. Pas d'issue possible. L'État ne fait rien. Chibi, casse-toi, reviens, t'es loin.

Ah, ce morceau, mes amis, ce morceau, c'est une tuerie. On vient de s'écouter We Love You en live de Coxparrer. On a eu ensuite Too Late, le nouveau Loving Dead. On a eu ensuite Taximan de Asso Babilas. J'ai diffusé ensuite Chippy de Richard Gauthener. Chippy, Chippy. Et on a fini ce bloc avec Curse of Dundame en live de Night Demon. Il y en aura d'autres, hein, du Night Demon. Il y a ce qu'il faut en stock. Cette 150e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Merci aux groupes qui m'ont contacté, aux labels qui m'ont contacté, qui m'ont laissé tous une bonne partie du son de ce soir, enfin de cette semaine. Et on finira avec Steer It Up en vinyle de Patti LaBelle. C'est la bande originale du film Le Flic de Beverly Hills, sorti en 1984. On retrouve Shalamar, Don't Get Stop in Beverly Hills. On y a ensuite Glenn Frey de The Heat Is On et Danny Elfman, Gratitude. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu ! Et on se retrouve aussi sur archive.org.